perdu depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Le diable ne s'habille plus en Prada. Soprano sur Skyrock. Sopra qui prépare un grand concert Skyrock qui sera en 2017 sur la scène du Stade Vélodrome de Marseille. On vous prépare plein de surprises pour fêter ça. On en reparlera très très vite. 5h59. J'espère que la nuit a été bonne, que tout va bien de votre côté. On est le mardi 28 juin. C'est Vincent. On va passer une toute nouvelle matinée tous ensemble. Le Morning Best. Le coup d'envoi dans 3 minutes. On revient sur la saison de Difool et Romano tout au long de la matinée. Plein de surprises encore ce matin. On écoutera Maître Gims aussi avec Ma Beauté. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Et tout sauf une beauté, c'est Rémi que vous retrouvez tout de suite. Je sais pas, j'avais envie de te mettre un taquet pour attaquer l'émission comme ça, gratuitement. Allez, on y va Rémi, l'actu, le sport, le temps pour ce matin. Ouais, c'est plutôt pas mal côté ciel aujourd'hui. Plein soleil dans le sud et un petit peu plus couvert dans le nord, même si les éclaircies seront bien visibles. Il pourrait y avoir quelques gouttes de pluie très localisées de la Bretagne à la Normandie et puis de l'autre côté sur l'Alsace. Les températures ce matin, on a 11 degrés à Alençon, 12 à Lille et à Rouen, 13 à Metz, 14 à Nancy, 15 à Lyon et à Paris, 17 à Ajaccio, 18 à Marseille, 21 à Nice, au meilleur de la journée, il fera 18 à Brest, 20 à Caen, 21 à Lille et à Beauvais, 22 à Rennes, 23 à Paris, à Poitiers, 24 à Bordeaux, 26 à Saint-Étienne, 28 à Marseille et à Toulouse, 30 à Lyon, 31 à Gap et 34 à Nîmes. La pollution, c'est pas trop mal, les indices compris entre 3 et 4, ça monte à 5 sur Grenoble, Avignon, Marseille, Toulon et Nice. J'en vois qui sont déjà réveillés pour gagner des places pour Rihanna. Oui, il y aura des places à gagner pour Riri dans la matinée, on en reparle juste après l'actu. Et les opposants à la loi travail de retour dans la rue aujourd'hui, 11e journée de mobilisation, plusieurs rassemblements prévus en France, dont à Paris sous bonne escorte avec 2500 policiers mobilisés. Les manifestants ont cette fois-ci auto-autorisé à défiler entre Bastille et Place d'Italie à partir de 14h. Une journée d'action qui correspond avec le vote des sénateurs avant un retour à l'Assemblée la semaine prochaine. Les syndicats seront reçus demain par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Des poubelles qui s'entassent en plein centre-ville de Bordeaux. Ça commence sérieusement à ressembler à une décharge à ciel ouvert. Les éboueurs sont en grève depuis mardi dernier. Ils réclament des augmentations de salaire et la mise en place d'une mutuelle. Des négociations sont en cours. Il est attendu de pied ferme. David Cameron sera aujourd'hui du côté de Bruxelles pour un sommet européen d'après Brexit. Il ne sera pas accueilli très bien par les dirigeants qui attendent désormais une sortie rapide du Royaume-Uni. En tout cas, la volonté affichée par François Hollande hier, Angela Merkel et Matteo Renzi. Ils attendent que la demande de sortie soit officiellement formalisée. Le Premier ministre britannique l'a redit hier. Il n'activera pas le processus et laisse la patate chaude à son successeur qui sera nommé en septembre. Du sport et du foot, ça y est, on connaît le nom de l'adversaire des Bleus pour dimanche soir. C'est l'Islande qui, à la surprise générale, a sorti l'Angleterre hier soir 2-1. Une prouesse pour l'équipe la plus modeste de l'Euro et qui n'avait d'ailleurs jamais participé au tournoi. Ça a d'ailleurs coûté la place du coach anglais Roy Hodgson qui a directement annoncé sa démission. Fin de règne également pour l'Espagne. La Roja, double tenante du titre, sort de la compétition après une défaite contre l'Italie. Victoire de la Squadra Azzurra, 2-0. La France qui

concerne les désastres beauté qui peuvent énerver dès le matin. Ouais. Ouais, parce que vous êtes souvent à nous envoyer des photos. Comment je suis? Est-ce que je suis belle gosse? Est-ce que je suis beau gosse? Eh bien, ce matin, on va s'occuper des ravalements de façade dès le matin. D'ailleurs, tiens, chope-nous des numéros de téléphone, Cédric, on va avoir besoin des Français. Vous vous rendez compte que ce matin, il y a un truc qui va pas. Cédric, c'est le printemps. Ça pousse, ça bourgeonne de partout. Non, je te dis, ça va, j'ai fait pire. Attends. Non, mais t'es rougeau. Oui, t'es rougeau, t'es mignon, tout plein. Oh, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est mignon, tout plein, rosé comme un goré. Ouais, c'est ça. Rosé comme un cochon. Ah, j'ai pris le soleil hier, t'imagines même pas. Ah, t'as pris le soleil? Ah, j'ai bronzé. Mais... Ah, c'est ça, ça fait sortir les boutons. C'est ça qu'en fait qui fait sortir les boutons, c'est le soleil. Méfiez-vous, aujourd'hui, il risque d'y en avoir un petit peu plus qu'hier du soleil, là. Alors, les épis, dès le matin, tu mets trois pommes à les enlever. Au moins de ce côté, Romano, t'es tranquille. C'est vrai. Il a raison, c'est Pomme qui nous laisse un message. Ah, bah, détrompe-toi, parce que des fois, j'ai des épis, mais sur le côté au-dessus des oreilles. C'est ouf. Ça dirait vite, j'ai dire bicou. Mais moi, je vous conseille un truc, c'est de vous laver la tête plutôt le matin. C'est mieux, comme ça, vous n'avez pas vos épis. Ou alors, vous pouvez les dresser dès le matin. Là. Bah, sinon, vous mettez du gel. Sinon, vous mettez du gel. Mais sur un épi, c'est parfois, il les revêche, l'épi. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, bah bon, après, moi, il ne faut pas trop me demander de détails. Là, parce que j'ai lavé la tête hier soir, j'ai un bel épi ici, tu le vois? Oh, bah ça va, tu es quand même beau. Merci, Romano, tu es très gentil. Il faut avoir quelqu'un qui est très suce-boule à côté de vous, et comme ça, vous vous ça trouvez plus beau gosse. Ah, bah, ouais. Je suis réaliste, Cédric, par exemple. Bon, je veux pas être désagréable, mais tu es quand même relativement vilain ce matin. Oh. Ouais, mais c'est pas grave, quand je vois ta tête, ça me rassure, tu sais. Et bien voilà, avoir un ami plus vilain que vous, ça peut marcher. Regarde Romano, regarde Cédric, et tu te sens tout de suite beaucoup mieux. Et dans le jeu, on rentre Karim et. Ah, bah là, c'est terminé, là, ouais. Et là, c'est bon, on se prend pour des beautés. Ouais, des mannequins, limite. Alors, on a Kaina qui est au téléphone avec nous en direct de Fos dans le 91, avant que je vous donne les résultats de ce sondage express. Enfin, de ce sondage tout court, même d'ailleurs. Bonjour Kaina. Bonjour, ça va? Salut Kaina. Salut, Kaina. Vous allez bien? Bien. Ouais, ouais, ouais. Mais Kaina, c'est impossible que tu aies un défaut physique ce matin avec une aussi jolie voix. Bah ouais, bah malheureusement, ça arrive à tout le monde. Hein. Alors, t'as quoi toi ce matin? Bah écoutez, j'ai eu un bouton d'herpès en fait au niveau de la lèvre et du nez. Comme c'est mignon. Oh, bah c'est un herpès qui fait combien? C'est un herpès qui ressemble à une fraise. Non, mais en fait, c'est l'herpès qui te prend la moitié du visage, quoi. Ouais, un petit herpès. D'ailleurs, t'es pas toute seule. Il y a jeune fille aussi qui nous a laissé un message là sur le 41759. Elle a 25 ans et elle a un herpès à la lèvre et elle nous fait grrrr. Ah ouais, bah non, mais grrr de loin alors. Hein. Ouais, grrr, un herpès à la lèvre. Mais t'as un gros herpès à la. Mais comment tu fais alors? Tu fais quoi dans ces cas-là? Bah en fait, j'ai un bouton d'herpès en fait au niveau de la lèvre et au niveau du nez. Oui, on a compris, le machin était énorme. C'est ouais. On visualise à peu près. C'est un bouton géant. Et en fait. Et du coup, bah là, je suis sous traitement. Et vu qu'en fait, je suis dans le commerce international, et du coup, bah ma patronne, elle m'a dit de me mettre en arrêt. Ah oui, vous êtes trop moche. Ah non, là, vous allez faire peur aux clients. Non, non, c'est pas possible. On va plus rien vendre, elle va planter la boîte. Non, mais ça m'étonne pas si t'as un bout de chair qui part du nez, qui finit sur la bouche. Oh, la pauvre. Ah, ouais. Hey, tous ceux qui se plaignent, il y avait un petit bouton ce matin, parce que j'en ai vu des messages. Il y a Dimitri qui a un petit bouton blanc qui a poussé sur le nez depuis hier soir. Eh ben, ça pourrait être pire, comme Kaina. T'as vu le truc de Kaina qu'elle a sur le visage. Et c'est bien, donc ça peut permettre de faire sauter le boulot, ça fait en vacances. Skyrock vous a donné un conseil supplémentaire. Faites-vous pousser un herpès comme ça. Voilà. Sur le visage, là. Bon, on salue tous ceux qui ont des petits soucis, des petits boutons sur le visage. Vous avez vu, c'est géré. Pensez à Kaina dès que vous en avez un petit. Ah, et stressez pas. Il y en a qui nous disent les poils blancs à la barbe. T'en as pas, toi, Kaina? T'as pas de barbe? Non, j'en ai pas, bah non. C'est qui que ça énerve? C'est la pile Duracell, 35 ans. Ah, t'as les petits poils blancs qui poussent. Les femmes aiment bien, ça fait poivre et sel. Ça fait George Clooney, quoi. C'est ça, ouais. Bon, c'est sûr que si vous avez 15 ans et que vous avez des poils blancs à la barbe, je vous conseille de la raser. Vieux, sinon, vous risquez de vous faire traquer. T'as pris un méchant coup de vieux, ouais. Autrement, c'est cool pour rentrer en boîte, parce que dans ce cas-là, tu rentres tout de suite. Ouais, c'est vrai. Bon, quand vous avez un petit problème. Alors, je vous donne le résultat du sondage quand même, là. Ah oui, alors. Alors, Kaina, bouton blanc sur le visage en 1, c'est le désastre beauté qui est le plus fréquent. Le matin, c'est celui que tu perds, c'est qui gicle. Ouais. Oh. En 2, les cernes sous les yeux. En 3, la coiffure en vrac. En 4, un maquillage raté, mais tu t'en rends compte uniquement quand tu te retrouves dans le bus ou que tu te regardes dans le rétro de ta voiture. Maquillage raté pour vous les filles en 4. En 5, les coupures de rasoir. Ou alors avoir oublié une petite touffe de poils, tu sais, tu te rases, mais comme un con, t'oublies. La moustache. Ouais, par exemple. Ou alors t'oublies le côté droit de la moustache. Ouais. C'est sympa comme tout. Oui, c'est pas super. Et après, il y a les différents trucs comme des différents problèmes de peau, avec la peau un peu rose, des coups de soleil, des points noirs et tout ça. Ah ouais, j'ai tout. Ça, c'est les petits désastres du matin. Et comment faire si vous vous rendez compte que, justement, vous êtes parti de chez vous, il y a un petit désastre sur votre visage? Ah bah, il faut se faire traiter. Eh bien, demandez aux familles de nous aider. On va leur demander de nous prêter la salle de bain ce matin. C'est l'heure de retrouver le... Oh, French test. Le French test, Romano. Allez, on y va pour le French test. Le French test sur Skyrock. Bah oui, on va tester les familles ce matin. Bah, ah bah allez, c'est parti. Bon, on a un espèce de truc qui pousse sur le visage. On aimerait l'exploser, mais on n'a pas de miroir. Que faire? Appelez les familles. Moi, je vais dire que j'ai un herpès sur la moitié du visage, comme Kaina, pour lui rendre hommage. T'as vu, Kaina, tu es même dans le petit coup de fil qu'on va passer aux familles ce matin. C'est super. Ça, on te fait un gros bisou, Kaina, en tout cas. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Jean-Denis. C'est, Jean de... c'est Jean-Denis? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Là, je suis en route pour le travail. On est avec une amie, c'est une catastrophe. Et on est en train de passer devant chez vous et on s'est rendu compte que physiquement, elle avait un gros problème, notre amie. Elle a un herpès qui part du front et qui finit au menton. est-ce qu'on pourrait éventuellement passer chez vous et utiliser votre salle de bain pendant 5-10 minutes? Et ma main sur ta gueule. Bah non, mais si vous lui tapez sur la gueule, ça va exploser. Hein. Ah non, ça va être terrible. Hein. Étant donné la gueule de l'herpès, dis-lui, Kaina, que t'as un truc qui pousse, mais on dirait une fraise. Oh. Ah, c'est même plus une fraise, c'est un fraisier. Quoi. C'est ça, c'est un fraisier. Mais c'est la saison aussi. Hein. Bon, la main sur la gueule, ça te convient, Kaina? La famille nous a proposé ça. Hein. Non. Ouais. Non. Ouais, elle ah bah, ouais, ah, sur la gueule. Mais Kaina, déprime pas, ça va partir l'herpès. Tu vas pas rester toute ta vie comme ça, tu ne seras pas éléphante woman. On n'en sait rien. Non, mais encore, heureusement, j'y vais pas, ça va pas rester. Bah non, écoute, on sait pas encore. Hein. Oh là, t'imagines. Tu deviens comme éléphante woman. Tiens, fais-en un autre, un dernier. Allez, vas-y. Et là, c'est qui qu'on appelle? Non, on va chez Christian. C'est Christian. Ou un autre, hein, c'est Frédéric. Allô, allô, c'est Christian? Non, c'est Fred. Fred? Allô? Ouais, c'est Fred? Oui. Oui, bonjour Fred, comment vas-tu? Vous êtes qui? Excuse-moi de te déranger, moi c'est Monsieur Lapin, ça l'appareil. Là, on est en train de partir au travail, je suis avec deux collègues. Salut. On a une amie, on s'est rendu compte qu'elle avait un herpès qui partait du front jusqu'au menton. Est-ce qu'on pourrait vous emprunter la salle de bain pour étudier ça en détail? Et cacher la misère un peu. Ta femme, elle a du maquillage, on la voit des fois. Elle a eu peur. Oui, là, il a eu peur, la famille a eu peur, mais c'est normal. Hein. Ah oui, bah forcément, un truc pareil sur la gueule. 6h-9h, Morning Show, le morning de Difool sur Skyrock. Searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him. I'm better off, our love, his trust, I'm better off. Sur Skyrock, on a été super fiers au printemps 2005 de vous faire découvrir Rihanna bien avant les radios européennes, plusieurs mois avant tout le monde, personne ne la connaissait. Et on est super fiers de retrouver Rihanna en tournée Skyrock. Elle va passer par Nice, à Lille, à Lyon et au Stade de France à Paris-Saint-Denis. Ça approche une première date le 15 juillet. Il y a des invites à gagner sur Skyrock. Elles sont dans la roulette. Ça va tourner tout au long de la journée. Les premières inscriptions d'ailleurs, dès maintenant sur les réseaux sociaux, vous pouvez tweeter ou y axer, commenter l'émission avec le hashtag #DiFoolBest. Full best et vous serez automatiquement inscrit pour la première roulette de la matinée. Bien évidemment, tout à l'heure, il y aura des inscriptions par message à 6h18. Merci d'être là, DiFool Best. Les meilleurs moments du morning de DiFool, c'est l'heure du réveil de star et d'écouter Drake aussi avec One Dance. Voici Jean Dujardin tout de suite. Bonjour, bonjour. Salut Jean Dujardin. Ben oui, c'est moi. Eh oui, c'est lui. C'est OSS 117, facile à dire. OSS 117, le super agent secret. OSS 117. Toi-même. On va dire que c'est moi. Eh oui, c'est OSS 117. Tu peux nous faire la blague que t'as fait sur Romano qui était super tout à l'heure. Tiens. Un chauve. Non. Chauve qui peut. C'est super ça. Chauve qui peut. Chauve. Tiens, dis bonjour à Romano. Dis bonjour à Jean Dujardin, Romano. Bonjour Jean. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Ta petite taille le laissait deviner, bon, mais bien sûr. Moi j'aurais dû lui parler, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Bon, Jean Dujardin à l'honneur ce matin. C'est gentil. C'est de rien, ça fait plaisir aussi à nous. Hein. Jean Dujardin qu'on va retrouver avec Une Famille de France dans le rôle d'OSS 117. Il va réveiller la famille de Robert tout de suite. Allez. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Allez, Robert, la famille, c'est parti. Le réveil de star du jour. Allô. Allô. Bonjour, bonjour. Vous êtes qui ? OSS 117. Lui-même. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Tiens. Un chauve. Non, je suis dégarni. Chauve qui peut. Non, oh putain, t'as mangé un clown. J'ai fait un rêve merveilleux. Ouais, bah tant mieux. J'ai rêvé qu'une femme sublime aux yeux marrons m'apportait mon petit déjeuner au lit. Ah bah continue de rêver parce que t'en auras jamais des sublimes. J'aime me beurrer la biscotte. Il a fumé la moquette ou pas ? Mais t'as fumé ou t'es dans un autre pays ? Je sais pas, il y a un problème, non ? Mon ami, mon frère. Non, bah tant que tu te présentes pas, non. OSS 117. Non, et tu connais le numéro des flics sinon ? Non, je ne crois pas, non. Non, bah tu peux essayer, tu verras s'ils vont te répondre comme moi je te réponds. Moi qui pensais même vous laisser faire l'amour avec moi. Nous voilà bien lotis. Ah bah, je crois que tu t'es trompé de service, là. Je n'ai fait que me voir. Ouais, bah continue, alors. Quel imbécile. Charmant accueil. Oui, parce que tu commences à casser les couilles, donc tu raccroches. Vous n'êtes pas Jamila Narubi, mais la princesse Altarouk, la nièce du souverain d'Égypte Farouk. Déjà, c'est pas Jamila. Désolée, je suis française, moi, donc... Oui. Tu ferais mieux de raccrocher. Quelle drôle d'idée. Bah oui, quelle drôle d'idée tu as, c'est sûr. Connard. Pardon. Ouais, t'as compris. Connard. Combien tu as d'enfants ? Ça peut te faire. Oui. Non. Je te pose à quitter, non ? Tu embrasses toute ta famille pour moi, d'accord ? Et ta sœur, Albalbert ? C'est cocasse. Ben, je suis sur le bâton. Ah. Au revoir. Au revoir. Merci Jean Dujardin. Merci à la femme derrière. Connard. Connard. Elle était super. Elle a... ouais, ta sœur Albalbert. Elle s'est jetée sur le téléphone après. Magnifique. Et ta sœur Albalbert. Non, elle prend la cuillère. C'était quoi là ? Et tu suces le bâton. Ah, c'est ça. Voilà. Non, mais en fait, tout à l'heure, on nous a dit la vraie expression, c'est ta sœur Albalbert. Quand elle battra de la merde, elle sucera le bâton. Ok. Ah. Eh ben, vous voyez, on apprend des choses auprès des familles. On a bien fait d'appeler Robert à la famille. Des bonnes expressions des familles. Merci Robert. Merci la famille. Quand elle battra la merde, elle sucera le bâton. Et puis surtout, merci à Jean Dujardin dans le rôle d'OSS 117. 6h-9h. Morning Show. Le morning de DiFool sur Skyrock. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance.

sport, Rémi. Ouais. On y va, c'est parti. Le temps, est-ce que t'as des bonnes nouvelles à nous annoncer? On est le 28 juin, t'as intérêt à être bon, vas-y Rémi. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Plein soleil dans le sud et un petit peu plus couvert dans le nord, même si les éclaircies seront quand même bien visibles. Il pourrait y avoir quelques gouttes de pluie très localisées de la Bretagne à la Normandie et de l'autre côté sur l'Alsace, mais globalement, voilà, quand même, le soleil fera quelques apparitions. La pollution, c'est pas trop mal, les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Grenoble, Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Et puis les températures, 12 degrés à Cherbourg et à Lille ce matin, 13 à Nantes, 14 à Nevers et à Limoges, 15 à Lyon et à Paris, 16 à Mâcon, 18 à Marseille et 19 à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Boulogne-sur-Mer, 19 au Havre, 21 à Lille et à Amiens, 22 à Orléans, 23 à Paris, 24 à Strasbourg, 26 à Clermont-Ferrand, 28 à Marseille, 30 à Lyon et 32 à Manosque. Les Fifth Harmony, Black M et Justin Timberlake en prépa pour le son et là c'est parti pour l'actu. Ouais, plus 3 euros, l'annonce a été faite hier. Le pass Navigo pour les franciliens passera de 70 à 73 euros d'ici le 1er août. Une hausse normale comme il doit y en avoir une tous les ans selon la région Île-de-France. Le déficit sera comblé par une hausse des taxes sur les carburants et les entreprises. La présidente de la région, Valérie Pécresse, estime qu'il manque 300 millions d'euros dans les caisses pour financer ce pass Navigo. Les opposants à la loi travail de retour dans la rue aujourd'hui. 11e journée de mobilisation. Plusieurs rassemblements prévus en France, dont à Paris, sous bonne escorte, avec 2500 policiers mobilisés. Les manifestants ont cette fois-ci été autorisés à défiler entre Bastille et Place d'Italie dès 14h. Une journée d'action qui correspond avec le vote des sénateurs avant un retour à l'Assemblée la semaine prochaine. Les syndicats seront reçus demain par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Les données techniques du vol Paris-Le Caire bientôt dévoilées. Les techniciens du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, ont réussi à réparer l'une des boîtes noires. Ils vont désormais tenter de faire parler celle qui contient les conversations des pilotes. L'avion s'est crashé pour des raisons encore inconnues avec à son bord 66 passagers et membres d'équipage. Ils ont décidé de zapper le zapping. Décision annoncée hier par les dirigeants de Canal+, en conférence de presse. Le petit programme quotidien qui existe depuis 27 ans ne reviendra pas en septembre. Canal estime qu'il n'y a aucun sens à faire la promotion gratuite des autres chaînes. La rumeur courait déjà depuis plusieurs semaines. Du sport et du foot, ça y est, on connaît le nom de l'adversaire des Bleus pour dimanche soir. C'est l'Islande qui, à la surprise générale, a sorti l'Angleterre de buts 1 hier soir. Une prouesse pour l'équipe la plus modeste de l'Euro et qui, pour la première fois, participe au tournoi. Ça a d'ailleurs coûté la place du coach anglais Roy Hodgson, qui a directement annoncé sa démission. Fin de règne également pour l'Espagne. La Roja, double tenante du titre, sort de la compétition après une défaite contre l'Italie. Victoire de la Squadra Azzurra, 2-0. On le savait, mais c'est officiel depuis hier. Laurent Blanc et le PSG, c'est bel et bien fini. Le désormais ex-coach de la capitale s'en va après 3 saisons et 11 titres en poche. L'annonce a été faite par la direction du club. On attend désormais la nomination de son successeur qui devrait sans surprise être Unai Emery, l'ancien entraîneur du FC Séville. Et puis du basket, un match important ce soir pour Tony Parker. Le boss des Bleus va disputer son dernier match international en France. L'équipe de France affronte le Japon donc ce soir au Mans. Match de préparation avant le tournoi olympique. Puis on espère les JO qui marquent la fin de la carrière de Tipeee, la carrière en bleu. Ouais, big up à Tipeee, Nando Docolo, l'équipe de France de basket qu'on va suivre. Voilà, c'est des copains, ils écoutent Skyrock et voilà, des vrais bons gars en plus. Voilà, comme toi, Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. 6h, 9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefée. Moi, je serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Blessé seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. Allô maman, ça va? Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, allô maman. J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, allô maman. J'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin. De repos, de repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, j'reçois que des éloges, mais j'dois t'affranchir. parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Maman, ça va? Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Allô maman, SCH, le rappeur marseillais à 6h39, allez faire un petit tour sur le net, allez mater la balade en Ferrari. On est déjà pratiquement à 200 000 vues pour la balade en Ferrari sur les Champs-Élysées de SCH avec Cédric et Romano. Cédric, SCH, Romano, vous retrouvez ça un petit peu partout sur les réseaux sociaux et sur le difool.skyrock.com. SCH également qui sera en tournée Skyrock à partir de la rentrée. Toutes les dates sur le net skyrock.fm. En tournée tous les matins entre 6h et 9h, Difool et Romano, les meilleurs moments du morning. C'est le morning best, c'est un nouvel épisode maintenant. Il y aura aussi les Fifth Harmony et Black M. On va parler de ce que les femmes reprochent aux hommes au lit. C'est l'heure du sondage du jour ou compil du jour aujourd'hui. C'est un sondage IFOP qui était fait pour Femmes Actuelles. Oh. Et les femmes se déchaînent, et oui. Qu'est-ce que vous nous reprochez au lit? Plein de messages. T'as vu les messages qu'on a reçus là? C'est un truc de fou quand même. Toujours en train de se plaindre. Les mecs sont trop égoïstes au lit, nous dit Daven. Ah bah c'est ce que j'avais noté. Ouais. Débo nous dit quand il me tire les cheveux, quand il ronfle un peu l'amour, mais il fait rien. Il fait pas sa faute. Et puis pour les cheveux, te plains pas, déjà t'en as, toi. C'est Tig. Oui, toi, moi, t'es tranquille, Romano, pour les cheveux. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Il y a Lily là. Ouais. Une nuit, le mec m'a tellement gobé l'oreille qu'il y avait de la salive. Ah, dans la salive de l'oreille, t'entendais plus rien. Mais elle est avec nous, Lily. Ah. Bonjour, Lily. Comment vas-tu? Salut tout le monde. Salut. Ah, et après, il y a le petit détail en plus, le petit détail qui tue. Alors, oui, fais-nous le petit détail qui tue. Donc, le mec t'a tellement gobé l'oreille que tu avais de la salive dedans. Ah. Ça t'a goûté, ah, ouais. Moi... J'étais à fond dans le truc et tout. Et d'un coup, il vient près de mon oreille et là, les bruits. Et tu sais que moi, je déteste aussi quand on me gobe l'oreille, pareil. Même chose. Non mais il y avait de la salive dedans quand même. Non moi elles m'ont jamais fait ça. Mais même quand on te gobe l'oreille, voilà, moi dans mes deux oreilles, il y a du cérumen. Oui. Mais il a fini le truc quand même en lâchant un bon pet. Franchement, d'accord, mais toi t'es tombé quand même sur tombé sur un gros porc, toi, quand même. Oui, complètement, ouais. Franchement, j'étais enchantée. Il s'appelle pas Cédric des fois. Non. Non mais si vous voulez pas vous faire lécher l'oreille, il a raison Romano, faites pousser le cérumen à l'intérieur, ne vous nettoyez plus les oreilles, gardez le jaune dedans. Ça donne envie, ça peut être pas mal. Un peu de miel. Petit conseil pour toi, Lise. Oui, on a quand même des conseils à vous donner pour vous le matin sur Skyrock. Ouais, mais je suis sûr qu'il aurait continué quand même. Ah ouais, il était fan de ton oreille, lui. Hein. Ouais. Voici le classement officiel. Écoute bien, Lise. Le classement officiel. 1000 femmes ont répondu et voici ce qu'elles reprochent aux hommes pendant un rapport amoureux. En 5, qu'il garde ses chaussettes. Est-ce que tu es d'accord, Lise? Oui. En 4, un homme qui fait trop de bruit pour exprimer ses sensations. Horrible. Ça me dérange pas trop, ça, quoi. Ah, si genre le mec fait... Ça te dérange pas, Lily, très bien. Non, ça va. Dire, bon, avec ce que t'as eu, franchement, oui, c'est vite soft à côté. Hein. En 3, l'absence de préliminaire. Ah ouais, ça pour 26% des femmes. Ah, genre, pas y aller à sec. Ah ouais, le mec, il va comme un bourrin direct. En 2, un homme planche à pain, il se couche et il se laisse faire. Il y a 29% des femmes qui ont dit ça. Ah ouais, sur le gros sondage. Bien, des fois.

du 20 juin au 11 juillet dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Bah chérie, tu déménages ? Ben non, je prépare les affaires pour les vacances. Mais on va encore être chargés comme des bulles. Et les pneus vont jamais tenir. T'inquiète, tu vas chez Euromaster, ils font des super remises. Fonce mon cœur ! Eh oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant les expertissimes Euromaster, jusqu'à 100€ de remise immédiate sur l'achat de pneus Dunlop. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 21 août, devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. Les meilleurs moments du morning de Difool. Skyrock. Et juste avant de retrouver les bugs de Romano, on est le mardi 28 juin, il est 6h48, votre horoscope de l'amour, c'est parti, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse, malheureusement, pour les scorpions et pour les lions, avec un franc-parler qui pourrait faire peur, 1 sur 5, les cancers et les verseaux, pour vous, le but sera de raccourcir au maximum cette petite période négative en pensant positif, 2 sur 5, les poissons et les capricornes, et n'oubliez pas que la maladresse ou la timidité n'empêche pas l'audace, 3 sur 5, les béliers et les taureaux, dans une configuration qui va favoriser l'accouplement. 4 sur 5 de puissance amoureuse, les vierges et les balances. Vous recevrez des compliments qui vont booster votre confiance. Et enfin, les taureaux et les sagittaires avec une cascade de bonnes nouvelles qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Les taureaux et les sagittaires avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le morning de Difool, les meilleurs moments sont tous les matins sur Skyrock dans le morning best. Difool et Romano, vous les retrouvez maintenant. Et la toute nouvelle de Black M aussi, c'est la nuit porte conseil. Conseil sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est la journée du bégaiement et des bègues. Eh ouais. Romano, je te souhaite une bonne journée. Merci. Souhaitez-moi ma fête. Eh bah oui, c'est ta fête aujourd'hui, Romano. Ah bah merci bien, ouais. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ce matin, Romano? Un truc sympa. Kiki. Bien. Ah, c'est sympa. Ouais. Et pour tous ceux qui ont des problèmes d'élocution, bah, sachez que Romano, ça l'a pas empêché de faire de la radio. Bah oui. C'est vrai. Donc ne stressez pas là-dessus. Et puis, il y a des stars aussi qui ont eu des problèmes de bégaiement. Regardez, François Bayrou, homme politique. Ouais, c'est vrai, ouais. Il bégaye, ça l'a pas empêché d'être homme politique et il avait fait 20% aux élections 19 ou 20% aux élections présidentielles. Oui, bon, il y a un moment. En 2007. Oui, voilà, oui. Non, mais comme quoi, peut-être qu'un jour, François Bayrou sera président de la République. Bravo. Ouais. Bravo. Bah, il y a lui et l'autre, l'acteur, là, Vincent Lindon. Il n'y a pas que lui, regarde, Bruce Willis aussi, il avait des problèmes de bégaiement. Winston Churchill. Mm-hmm. Ouais. Oui, l'anglais, là. Ouais, le premier ministre anglais, le copain de De Gaulle. Enfin, copain, ça dépend de la fois. Gérard Depardieu, Julia Roberts, tout ça, ils sont bègues. Ah ouais. Tiger Woods, le golfeur, il a des problèmes d'élocution quand il était petit. Ouais. Donc, ami bègue, on vous salue. Et puis, c'est votre journée aujourd'hui, profitez-en. Et les filles, Marilyn Monroe était bègue aussi. Ah ouais. Marilyn Monroe et Napoléon étaient bègues. Napoléon. Ah bah, comment réagissent les femmes quand elles sont mises en contact avec quelqu'un qui a des difficultés d'élocution? Il s'agit de toi, Romano. Oui, non. Et oui, nous avons utilisé tous ces petits samples des petits mots doux que tu nous dis dans l'émission, on les a isolés comme ça, écoute. Non. Oui, ça c'est quand tu dis allô, quand tu dis bonjour, tu fais comme ça. Salut, c'est bizarre, dis donc. Mais c'est mignon. Bonjour, Romano, bonjour. Et bonne journée à toi. Coucou, Romano. Gagnon. C'est Romano ton nom. Oui, je dis mon nom, je le connais. Sinon, mais ça va. Mais pardon, j'ai du mal à le dire quand même. Ça va bien ce matin? Comment t'as va? Ça va bien, moi, Romano. Bah, c'est la grande forme. Mais ça oui. Comment t'as va moyen ce matin. Alors, comment réagiront les familles? Eh bien, c'est parti. Voici tout de suite le romanophone. Ah, bah oui, forcément. Bah, oui. Le romanophone. De quelles conneries sont-ils encore capables? Ouais, alors voici tout de suite la femme à Patrick. On lui a passé un petit coup de fil à la femme à Patrick. Écoutez bien la charmante femme à Patrick. Comment elle réagit en face de Romano? Allez, c'est parti. Femme à Patrick. Allô? Ah non. Non, fausse alerte. Ah, attention. Oui, non. Qui vous êtes? Ouais, c'est parfait. Vous êtes qui? Vous voulez pas dire qui vous êtes? Tchou. C'est la peine de faire tout là, venir un bébé. Comment t'as l'air des ni pervers là. Merci, si. N'importe quoi. On entend comment ça se passe. Regarde. Qui ça commence à devenir pénible, vous commencez à me faire chier. Oh, elle est pas gentille, elle est pas gentille. Sur un autre ton, elle est pas gentille. Ça lui plaît pas. Et puis, pervers. Pourquoi pervers, mais. Pervers. Pas bien de faire tout. Pas bien de faire tout. Les gens sont pas compréhensibles. On appelle la femme à Patrick. Allez, la femme à Patrick, on en remet une couche. Allez, une couche pour la femme à Patrick. Pas sympa cette femme à Patrick. Non, pas du tout. Un peu, elle parle mal à Romano, le pauvre. Le pauvre. Oui. C'est pas sa faute s'il parle mal comme ça. Bah oui,

sur Skyrock, une de plus, Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Mardi matin, bonjour et bon réveil. Bonne journée à vous tous. Il est 7h02. Je fais un petit bug, c'est normal. On va voir le chef des bugs de Skyrock qui se prépare pour ses conseils pas chers, les meilleurs conseils pas chers de Romano à se faire tous les matins sur Skyrock. On va parler ménage. Quel est l'endroit le plus sale de la maison? Je vous rappelle qu'on a l'iPad mini aussi à vous offrir ce matin à l'occasion de la sortie du film Skyrock Conjuring 2. Notez bien tout ce qui se passe dans l'émission. Je vous poserai une question tout à l'heure aux alentours de 8h moins le quart et le ou la plus rapide à avoir la bonne réponse au 41 7 5 9 gagnera son iPad mini. Tu m'as la sortir mes émotions. Joule. Emotion, version Skyrock, Joule, c'est juste après l'actu et le sport. Rémi, c'est pareil, on débute avec le temps. Eh ben, c'est plutôt pas trop mal côté ciel aujourd'hui. On a du soleil dans le sud comme hier et un petit peu plus couvert dans le nord, mais des éclaircies quand même qui vont être visibles dans la journée. Il y a quand même quelques gouttes de pluie qui pourraient arriver du côté de la Bretagne et la Normandie. Et puis de l'autre côté sur l'Alsace, des averses très localisées, très fines. Hein, donc logiquement, pas de problème pour aujourd'hui. La pollution, pas trop mal, les indices compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Grenoble, Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Et puis les températures ce matin, 11 degrés à Alençon, 12 à Lille et à Rouen, 13 à Metz, 14 à Nancy, 15 à Lyon et à Paris, 17 à Ajaccio, 18 à Marseille, 21 à Nice. Dans l'après-midi, il fera 18 à Brest, 20 à Caen, 21 à Lille et à Beauvais, 22 à Rennes, 23 à Paris et à Poitiers, 24 à Bordeaux, 26 à Saint-Etienne, 28 à Marseille et à Toulouse, 30 à Lyon, 31 à Gap et 34 à Nîmes. Robin Fitch, les 21 Pilots, c'est Rihanna en prépa pour le son d'ici à 7h30. Là, on y va pour l'actu. Et il est attendu de pied ferme. David Cameron sera aujourd'hui du côté de Bruxelles pour un sommet européen d'après Brexit. L'accueil ne devrait pas être chaleureux de la part des dirigeants qui attendent désormais une sortie rapide du Royaume-Uni. En tout cas, la volonté affichée hier par François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi. Ils attendent que la demande de sortie soit officiellement formalisée. Le Premier ministre britannique l'a redit hier. Il n'activera pas le processus et laisse la patate chaude à son successeur qui sera nommé en septembre. Les opposants à la loi travail de retour dans la rue aujourd'hui. 11e journée de mobilisation. Plusieurs rassemblements prévus en France, dont à Paris, sous bonne escorte avec 2500 policiers mobilisés. Les manifestants ont été autorisés à défiler entre Bastille et Place d'Italie dès 14h. Une journée d'action qui correspond avec le vote des sénateurs avant un retour à l'Assemblée du texte la semaine prochaine. Les syndicats seront reçus demain par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Un drame hier en vallée de Loubaille dans les Alpes de Haute-Provence. 3 étudiants âgés d'une vingtaine d'années sont morts après un accident de la route. Leur véhicule a fait une chute de plus de 500 mètres après une perte de contrôle. Un hélicoptère a été mobilisé, mais les secours n'ont rien pu faire. L'enquête qui se poursuit un mois après le braquage de la boutique Chanel à Paris. 10 individus ont été interpellés hier. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'attaque, mais aussi à celle d'une boutique Chopard en décembre dernier. Le préjudice s'élèverait à 3 millions d'euros. Du sport, du foot. Ça y est, on connaît l'affiche des quarts de finale, en tout cas contre la France. Ce sera France-Islande. Et oui, l'Islande qui a la surprise générale a sorti l'Angleterre hier 2-1. Une prouesse pour cette équipe qui n'avait jamais participé à un seul euro. Ça a d'ailleurs coûté la place du coach anglais Roy Hodgson qui a direct démissionné à l'issue du match. Fin de règne également pour l'Espagne. La Roja de Piqué, double tenante du titre, sort de la compétition après une défaite contre l'Italie. Victoire de la Squadra Azzurra, 2-0. Et puis du tennis avec le tournoi de Wimbledon. Bon cru pour les Français à l'issue du premier tour. Ça passe pour Cornet, Herbert, Mahut, Bento, Roger Vasselin ou encore Simon. Jérémy Chardy a été plus fort que Gaël Monfils qui revenait sur les cours après en avoir été éloigné durant un mois et demi. Défaite en 5-7, 6-7, 6-0, 4-6, 6-1, 6-2. Oui, mais les Français contre les Français, c'est normal qu'il y en ait un qui gagne. Ah bah oui, voilà. Bon, merci pour tout Rémi, on te retrouve tout à l'heure pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. Tête dans la lune, puis sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du nerf, je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne, est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les lisonne. Follow. pouvoir aller. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta fille comme un chinois. J'envoie des sons. Nager dans l'eau, faut pas qu'on me laisse seul, j'suis parano, faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. Sur Skyrock, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool. Tout de suite, on va faire un petit tour du côté de nos appartements, ouais, de nos maisons, et découvrir l'endroit le plus sale dans chaque pièce de la maison. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? La salle de bain, la cuisine, le salon ou la chambre? Moi, c'est sale partout. Oui, d'accord, mais non, c'est propre. Si les gens à peu près normaux, il y a des endroits qui sont plus sales que d'autres. Voilà, le plus sale chez moi, c'est moi-même. Ah oui, c'est vrai, t'es vrai que t'as pas tort. Ouais. Voilà, hashtag Cédric Cracra. Mais cache-toi, c'est bah très tiens, propre. On va commencer par la salle de bain. Logiquement, vous y êtes tous passés ce matin ou vous êtes en train d'y passer. Oui. Ouais. Alors, il y a trois endroits dégueulasses dans la salle de bain. L'évier. Ouais, alors en particulier le siphon, c'est-à-dire tu sais le truc où il y a le bouchon là. Ah, c'est l'endroit le plus sale de la salle de bain, c'est le siphon. Ouais, il y a aussi le pommeau de douche qui est dégueulasse. Oh, chez moi il est magnifiquement propre. Bah moi je le nettoie au vinaigre blanc moi. Oh, ah, c'est bien, bonne pas technique. Mal, hein. Comme ça tu peux le lécher, ça te fait comme une salade. Non, mais c'est bien. Non mais ça enlève le calcaire parce que ça me dégoûte, tu sais quand il y a du calcaire sur le pommeau là où il y a les trous là. Ah ouais ouais. Et le anticale Romano. Et ouais mais le vinaigre blanc moins cher et plus efficace. Je note vinaigre blanc moins cher. 60 centimes le bidon. Romano toujours des bons conseils pas chers. Et il y a un autre truc qui est dégueulasse si vous en avez une, c'est les parois ou les rideaux de douche. Alors moi les rideaux de douche ça me dégoûte. Moi aussi je déteste ça. Moi aussi ouais. J'en ai pas. Tu sais ça colle. Ah ouais. Oui. Ah Cédric il en a un. Ouais, j'en ai un. Ah, moi aussi j'en ai. Avec des canards. T'as quoi sur ton rideau de douche? Non, il y a des rochers. Le canard coin qui est tout cracra. Il est cracra mon canard coin. Alors dans la chambre, vous y avez passé la nuit. Alors qu'est-ce qui est le plus sale dans la chambre? Le lit, non? Ouais, bah l'oreiller, le matelas. L'oreiller en particulier a priori. Ah. L'oreiller, tu sais. Bah ouais, tu baves. Ouais, il y a les trucs d'oreilles qui peuvent tomber, les cacadieux, les pellicules. Ah ouais, il y a la totale. La totale. Donc, alors, après. Le matelas. Alors dans le salon. Oui. Il y a le clavier d'ordinateur. Bon, si l'ordinateur est dans le salon, forcément. Le clavier d'ordinateur est un des trucs les plus sales de la maison. Hein. Les télécommandes, évidemment. Ouais. Et le téléphone. Donc en même temps, c'est aussi crade ici. Par exemple, votre téléphone est dans votre chambre. Hein. C'est vrai. Alors, et pour finir, j'ai la cuisine. Alors. Ah, la cuisine, l'évier. L'évier. L'évier, ah ouais, c'est dégueulasse. En deux, les planches à découper, en particulier celles en bois. Ah ouais, parce que ça cruste dedans les bactéries. Bah ça pareil, avec Cariole, on les a foutus en l'air, on en a acheté d'autres. En plastique. Ouais, un genre de plastique, ouais. Mmh. Et troisième, les éponges. C'est vrai que les éponges, si tu la changes pas souvent, ça peut être vite dégueulasse. Moi, j'ai une éponge par semaine, moi, tellement ça me dégoûte. Ah, il faut les changer régulièrement. J'ai raison. Oui, tout à fait. Non, pas autant. Très bien. Ah, Cédric me regarde d'un air étonné. Voilà, mais c'est quoi une éponge? Moi, j'ai un lave-vaisselle, alors. Non, mais pas de soucis. Non, mais attends, les plats, quand ils sont incrustés, t'es obligé de les laver à l'éponge. Non. Et Cédric, tu sais, il faut laver aussi la cuisinière, l'évier, donc t'as forcément besoin d'une éponge. Non, je fais avec du sopalin, moi. Oh. Mais jamais tu mouilles avec du papier toilette. Tu mets du produit, t'es avec le sopalin. Ça doit être sale chez lui. N'importe quoi. Qui vous avait raconté que genre, sur ces plaques qui étaient à la base noire, il y avait une couche de 1 cm d'une pellicule blanche? C'est toi. Eh bah, tu m'étonnes que ça soit comme ça. Si tu nettoies au sopalin. Alors, ce matin, ça t'a donné une idée pour tes conseils pas chers. Eh bah, je vais appeler des gens, je vais leur dire que c'est une vraie porcherie chez eux. Et donc, tu deviens homme de ménage. Ouais, exactement. Je vais faire. Cédric, tu veux m'aider pour le ménage? Allez, vas-y. T'arriveras avec ton sopalin. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Tiens, il y a Tahir Airlines qui dit « La poubelle, dit mon fils ». Ah, ouais, c'est vrai que la poubelle ça peut être crade. C'est vrai, c'est pas con. Et pas con ton fils, State Airlines. Et à Séva là, oh punaise, quand je l'entends, ça maintenant, j'ai envie de retourner à la maison faire le ménage. Toi, t'es un toqué, t'es une toqué. Allô. Allô, Manuel. Oui, c'est, oui. C'est Manuel. Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu? C'est qui? C'est ta voisin là, pareil. Je t'appelais d'y voir, j'ai regardé par votre fenêtre, mais ta femme ne fait jamais le ménage? Pourquoi? Ah, bah c'est dégueulasse chez vous. Donc je t'appelais pour, je me permets de te le dire hein, comme ça franco, mais je vais te sauver la vie, je vais venir faire un peu de nettoyage ce matin contre une modique somme d'argent. Tu peux savoir qui c'est là? C'est monsieur Lapince à l'appareil. Lapince, homme de ménage. J'habite dans le quartier et régulièrement je regarde chez les gens, j'ai regardé chez vous, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Ouais, et vous comptez trouver des clients comme ça? Ah bah moi je vais arriver dans 5-10 minutes là parce que les carreaux on voit à peine à travers, tu sais que j'en ai chié pour regarder chez vous. Hein. Tellement c'était sale. Ouais. Je peux venir dans 5 minutes? Hors de question. Ah bah si, je vais venir, il faut que je nettoie, tu vas pas rester dans ta cradeur là. Allez, je viens. Je sais pas ce que c'est que cette blague, mais je trouve ça pas très drôle. Allez, je viens dans 5 minutes. Oh, ouais, faut... Et bah dans 5 minutes, j'attends. Je viens, je nettoie, tu me donneras 100 euros, parce que vu, ouais, le, boulot bien sûr. Vu le boulot qu'il y a, et je me tiens arrivé en plus. Ouais. J'ai cru que t'allais te faire bouler, mais non, pas du tout. Viens dans 5 minutes. Eh bah, je peux avoir un deuxième en speed. Allez, vas-y. Allez, un petit deuxième en speed. Alors, on va chez Michel. Bon, déjà 100 euros de prix. 100 euros, c'est bien noté. Tu sais que Romano n'est payé qu'en conseil pas cher. C'est pour ça que c'est le plus riche de la radio. Mmh. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'en fais beaucoup. Hein. Oui. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est Michel. C'est Michel? Tout à fait. Eh, comment ça va, Michel? Ça va, merci. Et alors, ta femme fait la grève? Pardon? Ta femme fait la grève, Michel? Pourquoi? Ah, bah parce que j'ai regardé chez vous, mais vous faites jamais le ménage? Parce que tu sais que ça sent depuis chez moi? Oh non. Ah, si. Michel? Oui. Oui, je vais venir faire le ménage chez vous là ce matin, ça va pas du tout. Hein. Non mais attendez, vous êtes qui? Ah bah je suis un voisin, j'ai regardé par là à votre fenêtre ce week-end. Déjà j'ai eu du mal à voir parce que les fenêtres, vous les nettoyez avec des tranches de jambon, c'est pas possible pour qu'elles s'agrassent comme ça. Vous savez que vous n'êtes pas drôle? Ah bah oui, ah bah, faut pas mal le prendre Michel, mais c'est dégueulasse chez vous, moi je vous le dis tel quel. Et vous êtes qui exactement? Ah bah moi je suis monsieur Lapin, et je vais arriver dans 5 minutes et puis je vais nettoyer tout ça là. Pointez-vous, je vous casse la gueule. Ah bah, je vais venir et puis je vais nettoyer la porcherie, là. Non, mais vous êtes vraiment con, vous, hein. Ah bah, écoutez, moi, je veux vous filer un coup de main parce que du ménage comme ça, c'est ni fait ni à faire. Donc, j'arrive, tu me donnes 150 euros, je te remets la maison nickel. Mm-hmm. Ouais, venez, vous allez prendre un coup de pelle. Ah bah, tu ferais mieux de passer un coup de balai. Ah hey. Sinon, tu peux t'improviser jardinier aussi. C'est possible. Michel, j'arrive avec le matériel, hein, Michel. Salut, Michel. À tout de suite, Michel. J'ai entendu que ça te faisait très... Ça lui fait très plaisir. Ah, mais il est heureux. C'est le plus heureux des hommes. Ah, qu'il est content, Michel. Oh, Michel, il est heureux. Il va me foutre un coup de pelle. 6h09, le morning de Diffoul sur Skyrock. Everybody get up. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind. Tell your ass to swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there when I pull up on side, let you pad me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I dead watch, can't wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refuse, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. 19, Robin Thicke, T.I. et Pharrell Williams dans le Morning Best avec Blurred Lines, le Morning Best tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. On se refait l'année de D-Fool et Romano, l'année qui est passée super vite, ce qui prouve qu'on s'est bien marré tous les matins tous ensemble entre 6h et 9h, les meilleurs moments, tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le Morning Best avec une question. On va parler smartphone. Combien de vidéos un utilisateur de smartphone, combien de vidéos visionne-t-il par an en moyenne? D-Fool va vous donner la réponse. Continuez également à noter tout ce qui se passe dans l'émission. J'ai l'iPad mini à vous offrir ce matin à l'occasion de la sortie du nouveau Conjuring, le film le plus terrifiant de l'été. À l'occasion de la sortie de Conjuring 2, il y a l'iPad mini à gagner tout à l'heure à 8h moins le quart. Je vous poserai une question sur ce qui se passe actuellement dans l'émission. Le ou la plus rapide à donner la bonne réponse au 41 7 5 9 repartira avec son nouvel iPad mini. Les 21 Pilots, Stress Out, à écouter tout de suite, et Calvin Harris, Rihanna pour This Is What You Came For. Black, Henri Cinéma. Mavella fait partie du gang des Black Bronx. Et Marwan, celui des 1080. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas. Un Roméo et Juliette brutal et urbain. Rien ni personne n'empêchera d'être avec moi. Un film coup de poing. Black, maintenant Henri Cinéma, sur vos services de vidéo à la demande exclusivement chez vous. Avec Skyrock. Géant prend toujours soin de votre pouvoir d'achat. En ce moment, profitez d'une remise immédiate de 50% sur le deuxième pack de 24 bouteilles de 25 centilitres Heineken. Soit par deux, le pack de 24 bouteilles à 9,53€ au lieu de 12,70€. Les prix bas, c'est géant. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Conjuring 2, le Cainfield. Ils appellent ça l'Amityville Angle. Le retour du film d'horreur le plus marquant de la décennie. Allez-vous-en tout de suite. La voix sur cet enregistrement est celle d'une petite fille de 11 ans. Ne pas y croire, ne vous sauvera pas. Tout va bien, Janet? Ne m'appelez pas Janet. Oserez-vous venir? Conjuring 2, le Cainfield. Le 29 juin au cinéma. Avec Skyrock. Skyrock. Chérie, pour les vacances, t'oublie pas qu'on prend ma mère. Ça, je suis pas prêt de l'oublier. Quoi? Je disais, je mène la voiture chez Euromaster. Ta mère sera plus tranquille. En plus, ils font des super remises. Alors là, je te tire mon château. Eh oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Profitez d'offres expertissimes sur les freins, la clim, la révision et la vidange avec Bosch et Shell. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 21 août, conditions sur Euromaster.fr. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Il faut absolument que je change mes essuie-glaces, moi. Qui va me faire ça pour un prix raisonnable? Avec Oscaro.com, achetez vos balais d'essuie-glaces sur Internet. Et après, je fais comment? Il est très simple et très économique de les changer soi-même. Sur Oscaro.com, vous trouvez toutes les références de balais d'essuie-glaces jusqu'à deux fois moins cher. Je me lance. Et en ce moment, avec Oscaro.com, vous pouvez gagner des centaines de cadeaux Disney Pixar Cars, des home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des appareils photo, des DVD, voire conditions sur le site. Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15 euros qui passe à The Division à moins 20 euros. Beau tacle glissé de moins 30 euros sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20 euros sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35 euros sur Naruto Storm 4 qui centre. But de moins 20 euros sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur Micromania.fr. Leclerc. Chérie, j'ai pris de la Desperado chez Leclerc. Tu sais la Despé, la bière avec ce petit arôme de tequila? Ah oui, et direct 3 packs de 12 bouteilles. Oui, et de 33 centilitres les bouteilles. Mais en ce moment chez Leclerc, pour deux packs achetés, le troisième est offert. T'as vraiment réponse à tout. Du 29 juin au 9 juillet chez Leclerc, pour l'achat de deux packs de 12 bouteilles de 33 centilitres de bière Desperados, le troisième pack est offert. Voir modalité dans les magasins participants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Deux packs achetés, un pack offert, c'est vrai que... Ah, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Les meilleurs moments du morning de Difool. Morning best. 6h-9h sur Skyrock. Combien de vidéos un utilisateur de smartphone visionne-t-il en moyenne en un an? Donc en 2015, on a le chiffre. Et on a la bonne réponse avec Pierre du 59. Bonjour Pierrot. Bonjour Difool, salut toute l'équipe. Salut Pierrot. Salut Pierre, bienvenue sur Sky. Alors combien de vidéos visionne chez Pierre? Alors moi j'ai marqué 348. Mais t'as la bonne réponse au chiffre près. À peu près une fois par jour. Une fois. Ah ouais, tu t'es dit à peu près une fois par jour, 300 et quelques. Bon, 365 avec le dimanche de repos, voilà, 348. Wow, mais tu nous as fait le calcul exact, c'est le chiffre exact, dis donc, Pierrot. Ah bah bravo, 300 euros. Et ouais, on prenait à 10 près. Donc on aura pu en sélectionner plein, mais celui qui a la bonne réponse, c'est toi, bravo ouais. Pierre. On regarde beaucoup de porno, dis donc, sur son portable. Ah, ah ça y va. Non. Ah, du côté de Bayeul. Pourtant, je pourrais, j'ai le 6 plus avec un grand écran, mais. Ah, moi non, aussi, non. Ouais. Ah, t'es Cédric, on comprend pourquoi t'as pris un grand écran, dis donc. Bon, alors, je vais me brancher sur YouPorn pour te poser la question dans un instant quand tu vas tenter de garder les 300 euros qu'on t'offre maintenant. Ouais, attention. Mais chaque seconde, on récupère 10 euros. Ouais, juste avant quand même, je vous parle de cette espèce de virus. Alors, il y a un virus quand vous allez sur des sites de cul qui peut envahir votre téléphone. J'ai son nom. Il s'appelle Doxpectus. Et Doxpectus, attention, attention, il rentre dans votre téléphone, il l'infiltre, il en prend le contrôle et après, il le bloque en exigeant pour le débloquer, pour déverrouiller l'accès, un paiement, le paiement d'une rançon. C'est un virus qui vous demande une rançon. Ah comme, ouais, comme dans les films américains, oui. Comme les westerns. C'est ça, Romano, comme les avec westerns. Avec les pancartes, wanted. Voilà, wanted. Donc faites attention. Mais il demande combien de sous le virus, on sait pas. Ah, je sais pas, moi j'ai jamais été chopé par ce virus, je te dis, j'en Cédric, regarde pas. Cédric, va voir des vidéos ouais, quoi, le virus pour voir combien ça coûte. Tu le chopes avant 9h, Cédric, on te laisse te détendre un petit peu. Ouais, si, pas de problème. Voir te tendre aussi. Bon, Pierrot, on y va pour la question du chronotune. On joue ensemble maintenant les 300 euros. Allez, on est parti. Le chronotune. Sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Alors, le chronotune avec un spécialiste du porno, vous l'avez entendu, Pierre. Et on va te demander, Pierre, 5 catégories de films porno qu'on peut trouver sur YouPorn. Je suis sur YouPorn. Eh bien, ah, tu, ça, ouais. Tu peux y aller. Dans, t'as 30 secondes et tu perds 10 euros chaque seconde. Il faut répondre très vite à la question. Attention, top chrono. Allez, lesbienne, faciale, gangbang, jeune et blonde. Ouais. Quand je vous disais que c'était un spécialiste. C'est trop facile pour toi. Un expert. Ah, Pierre. Bravo, Pierrot, dis donc. Et comme quoi, ça sert et ça permet de gagner de l'argent. Donc, ça sert, donc jamais. Tu pourras dire à ta copine ou à tes parents ouais, alors j'ai gagné ce matin sur Skyrock. Quand bah, justement, elle m'écoute. Ah, bah, d'accord. Ah, bah, voilà, elle est heureuse. Grâce aux catégories porno. Magnifique. Ouais, et franchement, t'as assuré puisque t'as mis 4 secondes, donc il en reste 26. Donc, ça fait 260 euros. Ouais, ouais. 260 euros pour toi, Pierrot. Bravo. Pierrot, le roi du porno. C'est Pierrot, le roi du porno. Et le roi des 260 euros. Ouais, ouais, bien joué. C'est un des records hein, du chronotune. Hein. Ah, oui, oui, je crois qu'on n'a jamais fait plus. Ouais. 260 euros. T'as égalé le record. Bravo, Pierrot. Ah bah voilà, parfait. On t'envoie un gros chèque à la maison. On te souhaite une bonne journée. Tu fais quoi dans la vie, Pierre, à part regarder des pornos sur ton smartphone?

à 8h. Et là, c'est parti pour l'actu. Plus 3 euros. L'annonce a été faite hier. Le pass Navigo pour les Franciliens passera de 70 à 73 euros d'ici le 1er août. Une hausse normale, comme il doit y en avoir une tous les ans selon la région Île-de-France. Le déficit sera comblé par une hausse des taxes sur les carburants et les entreprises. La présidente de la région, Valérie Pécresse, estime qu'il manque 300 millions d'euros dans les caisses pour le financer. Des poubelles qui s'entassent de plus en plus en plein centre-ville de Bordeaux. Ça commence sérieusement à ressembler à une décharge à ciel ouvert. Les éboueurs sont en grève depuis mardi dernier. Ils réclament des augmentations de salaire et la mise en place d'une mutuelle. Des négociations sont en cours. Un cas difficile à juger. La justice parisienne se penche aujourd'hui sur le cas de deux lycéens partis faire le djihad. Ils avaient 15 et 16 ans en 2014 quand ils ont quitté la France pour la Syrie avant de rentrer trois semaines plus tard. Ils sont tous les deux poursuivis pour avoir participé à un groupement en vue de la préparation d'une entreprise terroriste. C'est le tribunal pour enfants qui est en charge de l'affaire et le procès se tiendra à huis clos. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison. 15 milliards de dollars, c'est la somme que va sortir Volkswagen pour éviter un procès aux États-Unis. La marque allemande est à l'origine, rappelez-vous, du scandale des moteurs diesel truqués pour afficher moins de pollution. Les automobilistes américains auront le choix entre le rachat de leur véhicule ou une réparation intégrale. Ils sont 475 000 à être concernés. Du sport et du foot, ça y est, on connaît le nom de l'adversaire des Bleus pour dimanche soir. C'est l'Islande qui, à la surprise générale, a sorti l'Angleterre 2-1. Une prouesse pour l'équipe la plus modeste de l'Euro, qui participe à son premier tournoi. Ça a d'ailleurs coûté la place du coach anglais Roy Hodgson, qui a directement annoncé sa démission. Fin de règne également pour l'Espagne. La Roja, double tenante du titre, sort de la compétition après une défaite contre l'Italie 2-0. La France, qui pendant ce temps-là profite d'une longue semaine de préparation. Les hommes de Deschamps sont à Clairefontaine. Pas facile pour le coach de trouver la bonne combinaison, sans Rami et sans N'Golo Kanté, tous deux sous le coup d'un carton jaune. Antoine Griezmann, en tout cas, s'est exprimé hier en conférence de presse. Il est plein de confiance, mais il a estimé quand même que les Bleus avaient du mal au début des matchs et qu'il fallait corriger le tir. On verra ce que ça donne donc dimanche soir à 21h contre l'Islande. Je vous donne les autres affiches de ces quarts de finale. Pologne-Portugal, Pays de Galles-Belgique et le choc attendu entre l'Allemagne et l'Italie. Merci pour tout Rémi. À tout à l'heure. 6h-9h, on est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Every time she moves. What You Came For de Rihanna sur Skyrock. Elle pose sur un son de Calvin Harris. 7h38, on a des places à vous offrir. Rihanna, c'est à gagner toute la journée dans la roulette. Ça tombe matin, midi et soir. Ça va jusqu'à minuit dans la roulette avec Difool. Il y aura des premières places à choper d'ici à 9h. Elle va passer par Nice, à Lille, à Lyon et du côté du Stade de France. À Paris-Saint-Denis, on est à J-18 de la première date. Il y a des préinscriptions déjà sur les réseaux sociaux, sur Yax. Vous pouvez tweeter également. Vous mettez le hashtag Difool Best. Voilà, c'est le hashtag. Hein, vous commentez l'émission, ça vous inscrit automatiquement et puis il y aura des inscriptions par message bien évidemment. On va gérer ça dans moins de 3 quarts d'heure. Le Morning Best tous les matins sur Skyrock, les meilleurs moments du morning de Difool. Difool et Romano, vous les retrouvez maintenant avec Maman J'ai Mal de MHD. Le sondage du jour, c'est le sondage qui concerne les parties du corps des hommes que les femmes trouvent le plus sexy. On va savoir les gars ce matin, qu'est-ce qui excite les femmes. Très étonnant, hein. Cédric, mets-toi dans la place, à la place d'une femme. T'as déjà les seins, c'est pas mal. Ouais. Quelle est la partie du corps qui t'exciterait le plus, par exemple, sur le corps magnifique de Karim, qui allez, est en face attends, de toi. Je me mets debout pour que tu observes. Ses abdos. Voilà. Sinon, ça coupe de cheveux. Ouais. Respecte un peu mes abdos. Ça coupe de cheveux surtout derrière, hein, c'est ça. Ouais. Hein. Ouais. C'est dingue d'être commencé à perdre ses cheveux si jeune. Ouais. Ça me rend malade. On va prendre Angelina qui est au téléphone avec nous. Bonjour Angelina, en direct du Mans. Bonjour. Bonjour toute l'équipe. Angelina, je vais te demander. Alors, je vous explique comment ça a été fait. C'est GQ, le magazine américain, qui a montré à plus d'une centaine de femmes le dessin du corps de Cristiano Ronaldo. Et elles leur ont demandé, c'est quoi la partie du corps de CR7 que vous préférez ? Et je vous dirai dans un instant, qu'est-ce qu'elles ont répondu les femmes ? C'est quoi la partie du corps que tu préfères chez un homme ? C'est les grandes mains. Les grands. Putain, vous êtes bizarres les filles. C'est hein. Chelou quand même. Moi, je pensais que vous diriez le cul ou la bite, les limites. Les bras, les abdos. Les muscles. Les bras, toi, tu dirais les bras. Bah, les bras, c'est sexy, un bras. Un bras, c'est sexy. Pas les tiens. Non, pas les miens, mais en général. C'est vrai. Donc, toi, c'est les grandes mains que tu trouves sexy. Ah, ouais, ouais, je trouve ça. D'accord. Ça m'excite. Non, mais t'es pas la seule. Moi, on a déjà fait des compliments sur mes mains parce que j'ai des très grandes mains qui sont très très belles. Je t'enverrai une photo d'ailleurs. Mais moi, je sais. Je veux bien. Je vais faire un petit self-main là dans un instant et je t'enverrai mon self-main de. Tu veux ma droite ou ma gauche? La droite. Je t'enverrai mon self-man de ma main. Je le fais, hein, pour de vrai. Hein. Bon, ben, parfait. Oui, moi, c'est le cul. Ah, quand même. Géraldine qui est franche, là, sur les messages. Géraldine, le cul qu'elle préfère. Les grandes mains aussi pour Choco. Mais moi, je sais pourquoi il préfère les grandes mains. Parce qu'on dit souvent, quand on a des grandes mains, il y a un gros truc qui va avec. Ouais. Exactement. Ah. Je ne sais pas le dire, mais c'est ça. La coquine. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'elles ont répondu, les Américaines, quand elles ont regardé le corps de Cristiano Ronaldo? Tu le trouves beau gosse, Cristiano Ronaldo? Ah ouais. Alors, la partie préférée du corps des hommes, en tout cas la plus sexy pour les femmes, c'est les bras. Ah ouais? À 24%, les Américaines, en regardant Cristiano Ronaldo, elles ont trouvé ses bras super sexy. Après, en deux, pour 19% des Américaines, les épaules. Après, le dos. Après, les abdos quand même. On arrive à un truc qui se rapproche de l'endroit fatidique. À 15% les abdos et à 7% seulement les fesses. Ah ouais. Les fesses, 5e du classement. Donc en gros, les gras, les gars, il faut se faire les bras. C'est ce que je voulais vous dire. Les bras, 24% des filles trouvent ça sexy. Une fille sur 4. Bon, toi, t'aimes le bout des bras, on va dire. Toi, c'est les mains, on peut te mettre dans les bras, toi aussi. Hein. Bon, parfait. Et le nez, 1%. Ah oui, il y a le nez quand même. Non. Je pense qu'elles n'ont pas vu le mien en tout cas. Je crois que c'est seulement 1% pour le nez, c'est pas la folie ça. Bon, ben voilà pour le sondage du jour. Sondage du jour, Angelina, on retiendra que les mains, ça t'excite beaucoup. Et pour les femmes, c'est les bras qui les excitent le plus. Il y a Milly qui aime les lobes des oreilles. Les lobes des oreilles, c'est bien Milly. Parfait, en plus c'est super agréable quand on te les lèche, les lobes des oreilles, t'entends des bruits comme... Très agréable. Bisous Angelina, on t'envoie un cadeau ce matin. Bisous toute l'équipe. Salut Angelina. 6h-9h, The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Les mêmes comptes à rendre devant le tout puissant. J'essaie de garder la foi. Entre anges et démons, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bête compte sur moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le voile. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'est mangé mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Ah,

5, les béliers et les taureaux, dans une configuration qui va favoriser l'accouplement. 4 sur 5 de puissance amoureuse, les vierges et les balances, vous recevrez des compliments qui vont booster votre confiance. Et enfin, les taureaux et les sagittaires, avec une cascade de bonnes nouvelles qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Les taureaux et les sagittaires, 5 sur 5 de puissance amoureuse. La suite du Morning Best. J'ai vu un message tout à l'heure d'Alex qui demandait si Difool et Romano étaient en vacances. La réponse est non, ils seront en direct tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h dans la radio libre. On reviendra notamment par exemple sur le départ de Laurent Blanc. C'est officiel, il quitte le Paris Saint-Germain. On en a parlé hier mais on en reparlera. Donc voilà, le réveil de star du Paris Saint-Germain, c'est maintenant. On rend un dernier hommage à Lolo Blanc et les Major Lazer juste après avec le remix de Light It Up. Réveil de star. Une star, une star, un appel, on écoute. Attends, une star, faut changer le jingle là, c'est pas une star, c'est des stars. Des stars. Des stars, on appelle, on écoute Florian, le Marseillais qui se fait réveiller par Zlatan, par Laurent Blanc et par Marquinhos. Et par tous les autres. Allô aussi. Bonjour, c'est Zlatan. Zlatan? Hello, friends. Zlatan Ibrahimovic? Voilà. Il n'y a qu'un Zlatan. Ouais, t'as raison. Et qui toi? Je suis Marquinhos, on est là, dans l'envestiaire. T'es connerie. Bonjour à tous. Qui? Je pense qu'ici, il y en a quelques-uns qui me connaissent. Eh, va te faire voir. J'adore la musique et chanter. Eh ben, chante alors. Allez, Paris Saint-Germain. C'est une musique d'enculé, ça. Oh. Ici, c'est... Et toi, tu es fada ou quoi? Jamais je le dis, ça. Paris! Jamais de la vie, je te chante, ça. Champion, mon frère! Champion de quoi? Champion, ma sœur. Ouais. Et ta cousine? Elle est championne aussi? Oui, oui, je crois que bon. Comment ça me gavait un peu? Tu m'appelles, tu me racontes que des conneries. Bon, écoutez, vous savez pourquoi on est là? Tu es là pourquoi? J'adore la musique et chanter. Et chante ailleurs. Oh, dis-moi, tu es où toi? Ici c'est Paris. Ouais, tu es où à Paris? On est là, dans l'envestiaire. Ouais, bon allez, va. Tu m'as gavé là. J'adore la musique et chanter. Tu sais ce que tu ferais bien toi? Tu ferais bien de fermer un peu ta gueule. Comment il parle au coach là? Champion, mon frère. Merci les Parisiens, bah ça c'était du bon quand même. Hein. Ah ouais. Florian le Marseillais, il est super. Florian le Marseillais, on le remercie. Il était à bout Florian. On remercie toute l'équipe du PSG qui a également participé ce matin en exclu sur Skyrock à ce petit coup de fil. Super réveil de star. Merci à l'équipe. 6h-9h. On est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock.

Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. Sad souls. Sad souls. Darling, oh, I know. Sad souls. Sad souls. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. Sad souls. Sad souls. Darling, all I know are sad souls. Sad souls. Moment du morning de Difool. Skyrock. Il est 8h01, on est mardi matin, le 28 juin, le mardi matin un peu compliqué, on se dit qu'on est encore un petit peu loin du week-end, nous on est là pour vous motiver, pour vous mettre en place dès le matin avec les meilleurs moments du morning de Difool. Tous les matins dans le morning best, on va parler des vacances, dans les conseils pas chers de Romano, on vous passera aussi le nouveau Soprano avec le diable ne s'habille plus en Prada. Non, non, le diable s'habille plus en Prada. On aura des places également à vous offrir pour la tournée Skyrock de Rihanna. Et là, on y va pour l'actu, le sport. Rémi, c'est parti. La météo, bien ou bien ou pas? Oui, bien, c'est pas trop mal. Ça va, ça va. On a du soleil dans le sud. Ça devient une habitude. C'est un peu plus couvert dans le nord ce matin. Bon, il y aura quand même des éclaircies aujourd'hui. Quelques gouttes de pluie aussi à prévoir, mais très localisées et très fines aussi, hein, de la Bretagne à la Normandie. Et puis de l'autre côté, sur l'Alsace. Les températures ce matin, 11 degrés à Alençon, 12 à Lille et à Lyon, et 12 à Lille et à Rouen, pardon, 13 à Metz, 14 à Nancy, 15 à Lyon, voilà, et à Paris, 17 à Ajaccio, 18 à Marseille, 21 à Nice. Dans l'après-midi, il fera 18 à Brest, 20 à Caen, 21 à Lille et à Beauvais, 22 à Rennes, 23 à Paris et à Poitiers, 24 à Bordeaux, 26 à Saint-Etienne, 28 à Marseille et à Toulouse, 30 à Lyon, 31 à Gap et 34 du côté des arènes de Nîmes. La pollution, c'est pas trop mal. Les indices sont compris entre 3 et 4. Ça monte à 5 sur Grenoble, Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Bruno Mars, Maître Gims, c'est Justin Timberlake qui se prépare pour le son. Et là, on y va pour la Q. Et oui, de retour dans la rue pour la 11e fois, la 11e journée de mobilisation anti-loi. Travail, c'est pour aujourd'hui. Plusieurs rassemblements prévus en France, dont un à Paris sous bonne escorte avec 2500 policiers mobilisés. Cette fois-ci, les manifestants ont le droit de défiler entre Bastille et Place d'Italie à partir de 14h. Une journée d'action qui correspond avec le vote des sénateurs aujourd'hui, avant un retour la semaine prochaine du côté de l'Assemblée nationale. Les syndicats seront reçus demain par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Les données techniques du vol Paris-Le Caire bientôt dévoilées. Les techniciens du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, ont réussi

C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au poney club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes. Superbe. Des licornes. T'es sûr de toi? Ah oui, oui, ils s'envolent dans le ciel et traversent les nuages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 euros toute l'année. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Carrefour. Bah, Franck, qu'est-ce que tu fais? Je regarde le catalogue Carrefour au top de ma beauté. Il y a plein de super promos. Mais papa, c'est pas un truc de fille, ça? Mais pas du tout, tu vois, par exemple. Dès demain et jusqu'au 11 juillet chez Carrefour, il y a 40% de remise immédiate sur le déodorant Nivea Men. Et c'est mon préféré. Fais voir un peu? Non, parce que j'ai pas encore fini. Dès demain et jusqu'au 11 juillet dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le déodorant bille Nivea Men, 2 x 50ml. Carrefour. Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier. Je veux la télé! Alors chérie, si tu pouvais regarder le foot ailleurs, ça serait génial. SFR se réinvente et inclut les nouvelles chaînes SFR Sport dans le forfait Power 40Go à 15,99€ par mois pendant un an, puis 25,99€ par mois pour les clients box de SFR avec engagement. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 4 juillet pour toute souscription avec portabilité. Prix sans mobile, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1€ de plus? Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde. Ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi. Vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Default sur Skyrock. Et on est là, regardez les photos de la présumée participante au plan A3 dont on parlait il y a un instant là. Ah bah en tout cas, tout ce qu'on sait c'est qu'elle est gourmande. Ah ouais. En effet, ouais, elle est gourmande. On l'appelle la goulue. Les goulues. Bon, c'est une participante d'un jeu de télé-réalité en France que personne n'a vu. C'est non, donc c'est clair, ouais. Les Princes de l'Amour. Les Princes de l'Amour 2. Enfin bon, il n'y a pas grand monde qui a regardé. Bah en tout cas, elle est partie en Angleterre et selon le Sun, elle s'est trouvée un nouveau métier. Elle couche avec des footballeurs. Ouais, c'est ça. Et elle a accouché avec un footballeur français. Elle aurait, tu as raison. Tu as raison, Karim. Elle aurait. Prenons cette information au conditionnel. Prenons-la avec des pincettes. Exactement. Bon, quel est le footballeur français joueur d'Angleterre? C'est pas des pincettes qui serait impliqué dans un plan A3 avec ses coéquipiers, avec un de ses coéquipiers footballeurs. Sorti de grue. Qui est donc ce footballeur? Eh bien, c'est Raphaël qu'on va prendre en direct de Niort avec nous. Bonjour, Raphaël. Salut, Raphaël. Salut, tout le monde. Salut à toi, Raphaël. Salut. Alors, la bonne réponse est Anthony Martial. Oui, le journal Le Sun, dans son édition Sun Sport, évoque un plan à trois entre Anthony Martial, un partenaire dans le même club de Manchester. C'est qui d'ailleurs ce partenaire? Je me souviens plus de son nom, c'est un... Timothy Fosu-Mensah. Ah, ça doit être lui, ouais. Ah, très bien, ça va être ça, c'est s'afficher sur mon écran. Et une ancienne candidate de télé-réalité. Bon, bah écoutez, à suivre, se méfier du Sun parce que tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Mais parfois, ils disent des trucs qui sont vrais. Comment ils se sont fait cramer? Alors, comment ils se sont fait cramer? Ils sont mis à la fenêtre peut-être. Peut-être, ils ont sur. Bah ils ont, vous savez, ils ont des paparazzi un peu partout le Sun. Hein. Non mais je crois que c'est elle qui a balancé le truc. Ah ouais. Spécialiste. Ah. Et elle est peut-être en manque de notoriété, donc elle a peut-être appelé les journalistes. Ouais. Pour leur raconter leur son histoire. Ah bah oui, niveau notoriété, ouais, c'est même plus être en manque là, c'est inexistant. C'est à l'enchère, ouais. Tu ne connais pas Romano Églantine, c'est quoi son nom? Églantine Flore Aguilar. Non. Et ben voilà, c'est. Jamais entendu parler. On va mettre les photos là sur le diffusion.com. En tout cas, les photos de. Cette magnifique Églantine, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, Martial, il serait actuellement en couple avec une autre star de télé-réalité. Ah, il est pas marié, Martial? Non, il a divorcé. Ah, bah, tout va bien. Il s'était fait cramer en train de tromper sa femme. Donc, éclate-toi, Anthony. Il se fait plaisir, ouais, Martial. Fais-toi plaisir, mon pote. Et surtout, éclate-toi sur les terrains à partir du 10 juin, l'Euro 2016. Bon, Raphaël, c'est bien, t'es qualifié, t'as déjà gagné 50 euros avec la question de sélection. C'est pas mal. Hein. Allez, ok, cool. Merci. Et attends, c'est fini parce que les 50 euros, tu les gardes. Par contre, t'as plein d'autres chèques à gagner. Il faut répondre à un maximum de questions. plus tu réponds à des questions, plus tu multiplies tes 50 euros. Voilà, chaque bonne réponse, c'est 50 euros. Cédric. La taille des yeux est gigantesque. Si l'être humain avait les yeux de la même taille, on aurait les yeux gros comme des oranges. Le morning de Nifo sur Skyrock. Eh bien, tu te rends compte. Des oranges. Vous vous rendez compte. Non, moi, c'est des blonds. Allez, 30 secondes pour toi, Cédric. Allez, vas-y. On commence par Cédric. Un petit mot d'encouragement, Raphaël, pour Cédric. Bah non, j'ai pas envie qu'il gagne, moi. Ah, d'accord, ah, voilà. Tu as le droit de ne pas l'encourager. C'est bien, tu es gentil, Raphaël. Tu es extrêmement fair-play. C'est sport. Allez, voici les questions de Cédric. T'es prêt, Cédric? Ouais, moi, je suis prêt. Alors, Cédric, tu t'en rappelles, tu as 30 secondes. C'est ça, ouais, je dois répondre aux questions que Difool va poser. Voilà, c'est bien. Tu t'en rappelles des règles? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Eh bien, top chrono, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, top. Lettre J, donne-moi un verbe qui commence par la lettre J. J. Joie, jouir. Joie, jouir, j'accepte. Un point. Eh ben, c'était pas facile, dis donc. Oh, on continue, fallait plus vite, Cédric. Barre chocolatée. 6 points de barre chocolatée qui se termine par un Y. Par un Y? Bah, je sais pas. Mais si, Bunchy. Oui. 2 points. Sport, comment s'appelle l'objet avec lequel on frappe une balle au golf? Ah, putain, Ah, putain, c'est facile. Comme un sandwich. Ouais, ou une discothèque, un club. Ah, ouais, eh ben voilà, un club. Voilà, bon. Alors, attendez, combien de bonnes réponses, Cédric? Ah, tellement là. 2 points. Deux. Quand deux. Même. Et encore, je t'ai bien aidé sur avec le Bounty. Ouais. C'est de quoi la deuxième bonne réponse? Bah, le Bounty. La barre chocolatée. Ah oui, c'est vrai. Raphaël, faut battre 2 bonnes réponses. Ça doit être possible. Ah, mais j'étais dans le cul là ce matin. Bon, Raphaël, vu que j'ai aidé Cédric pour le Bounty. Si t'as besoin, on t'aidera. Allez, c'est parti, Raphaël. Alors, attention, 3, 2, 1, top question. 30 secondes, lettre J, donne-moi un pantalon qui commence par la lettre J. Jogging. Oui, avec jean également. Barre chocolatée, quelle est la marque de barre chocolatée qui est aussi le nom d'une planète? Mars. Oui, sport. Au baseball, comment s'appelle l'objet avec lequel on frappe une balle? Baseball. Comment? Au baseball, l'objet avec lequel on frappe une balle. Une batte. 3 points. Eh bien, on s'arrête à 3 points. Ça va suffire. On s'arrête à 3. Alors, ça fait 150 euros plus les 50 euros de la question de sélection. 200 euros. Bip, bip. Pas mal. Pas mal du tout, dis donc. Ah, mal, ouais. En 30 secondes, merci, ça va. Merci. Et voilà, c'est bien payé, Skyrock. Hein. On est payé 200 euros les 30 secondes. Oh, ça va, ouais. Eh, c'est quand même pas mal. Hein. Bravo, en tout cas, on t'envoie ton chèque à la maison à Niort. On te souhaite une belle journée, Raphaël. Bonne journée à vous, salut les gars. Salut à toi. 6h-9h. On est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. When you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance. Radio en Europe, à vous le passer, on est super fiers. C'était le nouveau Justin Timberlake, gros carton avec Can't Stop the Feeling. Ouais, ouais, ouais. Les meilleurs moments du morning de Difool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. 8h30, mardi matin. Merci d'être là. Le morning de Difool qui vous a réveillé tout au long de l'année. L'année qui est passée super vite. Hein. Je sais pas vous, mais c'est passé à une vitesse, mais monumentale. On s'est bien marré avec Difool et Romano tout au long de l'année. Les meilleurs moments de l'émission à se faire tous les matins sur Skyrock. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. Alors, question, quels sont les pires problèmes que l'on peut avoir à cause de Facebook? Qui s'est déjà embrouillé à cause des réseaux sociaux? On va parler de tout ça dans pas très longtemps. Il y aura Maître Gims aussi avec Ma Beauté. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Sur la bande-son de Camping 3 qui sort demain, on se met ça juste après l'actu et le sport. Rémi, on y va, le temps pour ce matin? Eh ben c'est plutôt pas trop mal côté ciel aujourd'hui. On a du soleil dans le sud, ça, bon, on est habitué maintenant. C'est un petit peu plus couvert dans le nord, même si les éclaircies seront tout de même visibles. Bon, il y aurait quelques petites gouttes de pluie quand même, hein, très localisées, très fines sur la Bretagne, un petit peu sur la Normandie aussi, puis sur l'Alsace, mais de manière générale. Voilà, le soleil fera quand même de belles apparitions. La pollution, c'est pas trop mal, on y revient juste après les températures. 12 degrés à Cherbourg et à Lille, 13 à Nantes, 14 à Nevers et à Limoges, 15 à Lyon et à Paris, 16 à Mâcon, 18 à Marseille et 19 à Perpignan. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Boulogne-sur-Mer, 19 au Havre, 21 à Lille et à Amiens, 22 à Orléans, 23 à Paris, 24 à Strasbourg, 26 à Clermont-Ferrand, 28 à Marseille, 30 à Lyon, 32 à Manosque. Et puis les indices compris entre 3 et 4, on respire bien. Ça monte à 5 sur Grenoble, Avignon, Marseille, Toulon et Nice. Drake, les Fifth Harmony, l'horoscope de l'amour et le réveil de star de Nelson Montfort. Tout ça, c'est prévu d'ici à 9h et là, c'est parti pour l'actu. France Islande, c'est l'affiche des quarts de finale dimanche soir. L'Islande qui, à la surprise générale, a sorti l'Angleterre 2-1, l'ogre anglais. Qui n'a plus de coach puisque Roy Hodgson vient directement annoncer sa démission. L'Espagne rentre également à la maison. La Roja, double tenante du titre, sort de la compétition après une défaite contre l'Italie. Gros match hier, victoire de la Squadra Azzurra, 2-0. La France, qui pendant ce temps-là profite d'une longue semaine de préparation. Les hommes de Deschamps sont à Clairefontaine. Pas facile pour le coach de trouver la bonne combinaison sans Rami et sans N'Golo Kanté, tous deux sous le coup d'un carton jaune. Il y a eu des petits matchs hier, 6 contre 6, pour essayer de trouver un bon procédé. Antoine Griezmann s'est exprimé d'ailleurs hier en conférence de presse. Il a estimé que les Bleus avaient du mal au début des matchs et qu'il fallait corriger le tir. On verra ce que ça donne dimanche à 21h donc contre l'Islande. Le programme pour aujourd'hui du côté des Bleus, eh bien c'est léger, pas d'entraînement et pas de conférence de presse. On reste donc confiné à Clairefontaine. Plus 3€, l'annonce a été faite hier. Le pass Navigo pour les Franciliens passera de 70 à 73€ d'ici le 1er août. Une hausse normale comme il doit y en avoir tous les ans selon la région Île-de-France. Le déficit sera comblé par une hausse des taxes sur les carburants et les entreprises. La présidente de la région, Valérie Pécresse, estime qu'il manque 300 millions d'euros dans les caisses pour le financer. Des poubelles qui s'entassent encore et encore en plein centre-ville de Bordeaux. Ça commence sérieusement à ressembler à une décharge à ciel ouvert. Les éboueurs sont en grève depuis mardi dernier. Ils réclament des augmentations de salaire et la mise en place d'une mutuelle. Des négociations sont en cours. Il est attendu de pied ferme. David Cameron poussera aujourd'hui du côté de Bruxelles pour un sommet européen d'après Brexit. L'accueil ne devrait pas être très chaleureux de la part des dirigeants qui attendent désormais une sortie rapide du Royaume-Uni. C'est en tout cas la volonté affichée hier par François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi. Ils attendent que la demande de sortie soit officiellement formalisée. Le Premier ministre britannique l'a redit hier, il n'activera pas le processus et laisse la patate chaude à son successeur qui sera nommé en septembre. 15 milliards de dollars, c'est la somme que va sortir Volkswagen pour éviter un procès aux États-Unis. La marque allemande est à l'origine, rappelez-vous, du scandale des moteurs diesel truqués pour afficher moins

Facebook. Et il y a des beaux là qui nous disent sur les messages, certains créent des faux comptes avec nos photos et nos noms. Ah oui, puis raconte de la c'est merde. Vrai, ouais. Ah oui, faites attention. Ouais. Usurpation d'identité. Et exactement, usurpation d'identité. Donc voici le sondage du jour. Sur Facebook, d'après vous, quel est le pourcentage des Français qui gardent contact avec leurs ex, tiens Romano avec ta gothique, qui gardent contact avec leurs ex sur Facebook, bon, dans l'hypothèse de ou avoir un petit rendez-vous sexy, ou alors recréer la relation. Pourcentage des Français qui, après avoir été séparés, gardent contact sur Facebook. Je sais pas, 20%. Ouais, 17. Pas loin. Ah bah ouais, moi j'aurais dit plus. 17, ah, c'est 17%, tout. Ouais, 17% avec les ex. Ouais, mais moi j'ai mes c'est-à-dire ex. En fait, tu la largues, la meuf, mais tu continues de discuter avec elle, c'est ton ami. Non, pas forcément discuter, mais non, tu aurais juste jeté un œil sur ce qu'elle fait. Non, garder contact, c'est pas jeter un œil, mon ami. Ah, désolé. Refusez, monsieur. Il y a 17% précisément qui gardent contact avec voilà, leurs ex. Voilà, j'essaie de garder contact, mais elle répond jamais. Eh bien, écoute, Cédric, comme c'est bizarre. Étonnant, hein. Dans les coupes, tiens, Facebook dans les coupes. Vous êtes en couple, est-ce que vous vous êtes déjà senti négligé par rapport au réseau social? En gros, votre partenaire passe plus de temps sur Facebook qu'avec vous. Quel est le pourcentage des Français qui se sentent négligés par rapport à Facebook? C'est tout âge, de toute façon, le sondage. Tout âge, tout confondu. Allez, je dirais 35%. Non, ce n'est pas la bonne réponse, Romano, je ne peux pas accepter. Ah, 25. Merde. 25, j'accepte. Cariole, c'est 26. Bonne réponse, Cariole. Ah, 26% trouvent que leur partenaire, 1 sur 4, passe plus de temps sur Facebook qu'avec eux. Et il y a plein de gens mariés qui ont répondu, vous imaginez? Ah, ouais. Ouais. Et ouais, les problèmes. Eh ben, c'est Facebook. Du joli. Quel est le pourcentage des personnes interrogées qui avouent surveiller la page de leur partenaire? Beaucoup, allez, 45%. 60%. 46, Romano. Eh ben voilà. Hey, t'es bon au sondage. Cariole et Romano, vous êtes nuls pour l'instant. Par contre, Cédric et Karim, vous êtes nuls. Hein. Ouais, on d'ailleurs, Karim n'a fait aucune proposition, il n'a pas compris. Faut proposer un truc entre 0 et 100. Ah, faut donner un chiffre. Voilà, oui. Ouais, voilà, ouais. 46% des personnes interrogées déclarent surveiller la page Facebook de leur partenaire. Et qu'est-ce que j'ai comme question? Allez, la dernière. Petite question. Aux États-Unis, hein. Ça concerne pas la France. Petit sondage américain, toujours dans notre sondage du jour. Facebook est cité dans des cas de divorce. Mais dans combien de cas de divorce sur 100 Facebook est-il cité? 60. Aux États-Unis. 43. 60, 20, 43. 27. Bonne réponse, Cariole. C'était 67%. Ah ouais? 67%? Dans deux tiers des divorces aux States. Et en France, ça monte. C'est énorme, je sais, j'avais vu. Dans deux tiers des procédures de divorce aux États-Unis, eh bien, Facebook est utilisé. Eh bah, dis donc. Eh bien, voilà. Donc, c'est un cauchemar, ce Facebook. Ouais, c'est ça. En fait, tu regardes le sondage, tu te désinscris direct. Ça ne vous amène que des emmerdes, c'est ce clair. A priori, oui. Voilà pour le sondage du jour. Tous les matins, sondage ou compile du jour. C'est géré, c'est Facebook. Bon courage, faites attention. Et d'ailleurs, faites attention si vous faites. Par exemple, je sais pas moi, une petite maladie imaginaire à cette heure-ci, c'est le tordu qui vient de nous laisser le message et qui lui a un petit problème avec son patron parce qu'il a voulu prendre un week-end prolongé. J'ai voulu partir un vendredi pour revenir le lundi. 3 jours, c'est mieux que 2, tu as raison. Oui, c'est vrai, ouais. Et mon patron a vu mes photos de week-end. Ah bah oui, mais fallait pas. Ah ouais, bah ça, ah bah ouais. Ça, faut pas poster, t'as dit que t'étais malade et ton t'es patron. T'es malade, une fois, tu sais. C'est la fête, cocktail à la main en et tout. Soirée, ouh. Comme le joueur parisien qui est parti à Las Vegas avec Zlatan. Oui, c'est ça. Le rugbyman en fait est parti avec les joueurs du PSG à Las Vegas. Ouais. Bon, il avait quand même dit à son club quelle excuse pas du tout glauque. Je pars entraîner enterrer ma grand-mère en Argentine. Oui. Oh là là. Et du coup les photos sont parues. Bon, procédure de licenciement et foutu dehors. Et voilà, encore un problème de Facebook. Un genre du Racing Métro là. Et bien faites attention, méfiez-vous. Hein. Ah oui, attention. 6h-9h. On est chaud. Le morning de Difool sur Skyrock. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance, Drake, un son que Skyrock vous a passé avant les radios. 9h moins le quart, on prépare le réveil de star dans le Morning Best à Difool et Romano qui vont utiliser la voix de Nelson Montfort pour réveiller une famille. L'horoscope de l'amour qui se prépare également. Et la roulette, on y va, c'est parti. Top inscription, 200 places en jeu pour la tournée Skyrock de... Qu'est-ce que je dis 200 400 même 400 places pour la tournée Skyrock de Rihanna qui va passer par Lille à Nice du côté de Lyon et du côté du Stade de France à Paris-Saint-Denis pour tenter de gagner vos invite, vous vous inscrivez maintenant, vous laissez prénom et numéro de téléphone 41 7 5 9, ça tire au sort parmi tous vos messages. Rihanna, l'artiste la plus jouée de tous les temps sur le net, pour vous inscrire, ça se passe maintenant, prénom et numéro de téléphone, on vous souhaite bonne chance. 41 7 5 9, l'horoscope de l'amour dans 1 minute 09, et il y aura aussi les Fifth Harmony. Ma chérie, tu déménages ? Ben non, je prépare les affaires pour les vacances. Mais on va encore être changé comme des bulles et les pneus vont jamais tenir. T'inquiète, tu vas chez Euromaster, ils font des super remises. Fonce mon cœur. Eh oui, avec Euromaster, meilleure chaîne de magasins automobiles, entretenir sa voiture devient un jeu d'enfant. Pendant les expertissimes Euromaster, jusqu'à 100€ de remise immédiate sur l'achat de pneus Dunlop. Euromaster. Pneus et entretien véhicule. Vous êtes entre de bonnes mains. Jusqu'au 21 août, devis, achat et conditions sur Euromaster.fr. Je sais pas chez vous, mais chez nous, personne ne regarde le même sport à la télé. Le grand, c'est le basket, la petite, le tennis, et mon mari, le foot. Le problème, c'est qu'à chaque sport, son abonnement. Pour vous, SFR se réinvente et réunit tous vos sports préférés dans un seul et même abonnement. Jusqu'au 10 juillet, la fibre power avec SFR sport inclus est à seulement 29,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, engagement de 12 mois, location de la box plus 3€ par mois, détails sur sfr.fr. Meilleur moment du morning de Difool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. Juste avant, le réveil de star de Nelson Montfort avec Difool et Romano. C'est l'heure de votre horoscope de l'amour. 8h47, on est mardi matin, le 28 juin. Et c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les scorpions et pour les lions avec un franc-parler qui pourrait faire peur. 1 sur 5, les cancers et les verseaux. Pour vous, le but sera de raccourcir au maximum cette petite période négative en pensant positif. 2 sur 5 pour les poissons et pour les capricornes. Et n'oubliez pas que l'adresse ou la timidité n'empêche pas l'audace. 3 sur 5, les béliers et les gémeaux dans une configuration qui va favoriser l'accouplement. 4 sur 5 pour les vierges et pour les balances, vous recevrez des compliments qui vont booster votre confiance. Et enfin, les taureaux et les sagittaires avec une cascade de bonnes nouvelles qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Taureaux et sagittaires, c'est 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning Best qui continue pour tous ceux qui se posent la question. Non, Difool, les Romano ne sont pas en vacances. Ils seront là en direct à partir de 21h pour la radio libre de Difool. Là, vous les retrouvez avec le réveil de star de Nelson Montfort et les Fifth Harmony, aussi avec Work From Home. Attention, attention, Nelson Montfort. Can you hear me? On t'entend bien, Nelson. Nelson Montfort qui va réveiller la France ce matin. Il réveille les familles de France et va réveiller Hervé. Allez. Le réveil de star. Une star. Un appel. on écoute. Oui. Can you hear me? On t'entend, Nelson. Vas-y, c'est bon, Nelson. On appelle. Allez. C'est parti chez Hervé. Comment il va être reçu, Nelson Montfort, par Hervé ce matin? It's ringing, Nelson. Yes, the phone is ringing on Skyrock. Allô? Bonjour. Oui. Je suis très heureux d'être parmi vous tous et merci vraiment de l'accueil que vous m'avez réservé. De rien. Vous êtes qui? Je suis prêt à répondre naturellement à votre question, mon cher Hervé. Votre question était du reste tellement pertinente que je l'ai oubliée. Vous êtes qui? Nelson Montfort en direct du stadium où vient de s'achever cette finale extraordinaire. Et alors? Je vais essayer d'interviewer donc le vrai vainqueur, le héros de ce match, Hervé. Là, vous trompez du tout complètement parce que je vois pas qui vous essayez d'appeler. Que pensez-vous des joueurs français, the French player? Faut vous calmer, je sais pas ce que vous avez, si vous avez pris de l'ecstasy ou je ne sais quoi, moi j'en ai rien à foutre. À partir de là, ça devient un régal. Ah, ça devient un régal, donc dis donc, Nelson. Eh, on repasse un coup de fil parce qu'on a rappelé Hervé. Allez, encore. Oui, on s'est dit, le contact passe bien, tout ça, Nelson est content. Non mais c'est vrai que Nelson a pris des trucs, il hurle. Oui, je crois que c'est naturel chez lui, hein. Pas besoin d'ecstasy, pas besoin de tout ça. Le même Hervé, on le rappelle. Allez. Allez, deuxième oui. Bonjour. Mais tu me fais chier, toi, mais t'as un problème. Pour gagner du temps, je vous éviterai également la traduction américaine de mes propos. Putain, il me fait chier. Écoute-moi bien, si tu continues, moi je te jure, je vais te retrouver, tu vas voir, ça va te faire tout drôle, mon garçon. La dernière personne à qui j'ai posé quelques questions, c'était Usain Bolt. Ouais, j'en ai rien à foutre que ça soit une chaîne mon cul, j'en ai rien à branler. Votre ressemblance avec Usain Bolt est assez lointaine. Ah, il me casse les couilles, le garçon, je suis sûr, ça c'est encore un truc de radio de mes couilles, comme Skyrock ou une connerie comme ça. Je me débrouille en italien, en espagnol, j'ai quelques notions d'allemand. Ouais, ça va, je vais te parler allemand, ça va te faire tout drôle. Auf Wiedersehen, et je les bedouche. Ouais, c'est bien, ta gueule. Nous essayons avant tout d'apporter des bons moments aux gens. Ouais, bah c'est bien, que j'en ai à branler. Là, tu me casses plutôt les couilles. C'est pas du bon moment que tu me fais passer, c'est un mauvais moment parce que tu me casses les couilles. On a établi vraiment une superbe complicité. Oui. Ouais, mais tu vas voir, moi je vais te faire un truc formidable, je vais te foutre un pain dans ta gueule si tu continues. Ça, c'est une performance physique extraordinaire que vous venez d'accomplir. Ouais, bah, c'est bien. Bah, moi, je vais te faire un bien plaisir, c'est que je vais appeler les Schmitt et je vais aller carrément au commissariat, je vais leur dire quand tu me casses les couilles. T'as compris? Imaginez que Tsonga gagne Roland Garros, sa vie est faite. Oui, mais non. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, moi, de Roland Garros. Je m'en bats les couilles du sport. Laurent, qu'est-ce qui peut rester de ce Roland Garros 2016? Écoute-moi bien. J'ai pas que ça qu'à foutre d'être au téléphone avec des bouffons. C'est assez difficile. Je vous remercie vraiment mille fois de nous répondre. Moi, je t'attrape et je te décalote. Ça devient un régal. Ouais, il est beau, le paysan. Mais t'as vu, t'as ce qu'il dit. Écoute ce qu'il me dit, le paysan. See you soon. Il est complètement malade. Il a un problème. Je vous embrasse tous. Merci. Lots of love. Yes, oh, lots of love. Merci, Nelson. Can you hear me? Oui, on t'entend bien, Nelson. C'était super. Nelson et Hervé, bon contact. Génial. Ah, j'ai rien à foutre, moi, de Laurent Garros. Le réveil de star. 6h-9h. Morning show. Le morning de Difool sur Skyrock. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need but you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion, I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, cause baby you're the

est-ce qu'il pilote cité Osh Vamos? C'est lequel d'entre vous qui t'a dit quoi? La section, concert dans le Jackson, ça hors de question. Résultat, je suis allé j'kick sale. Mais qui t'a dit de te mettre tout au fond de cette petite salle? Oh, mais qui t'a dit de négliger le Watibé? Triple disque de platine dans ton cas vu Harry. Qui t'a dit que le Watibé n'allait pas tout niquer? Tout niquer, tout niquer. Rambo Wima, Yete Diallo à la projet. Yeah. T'as dit de redire tout ce qu'on t'a dit. Maintenant redire ce que t'as dit ou ce qu'on t'a fait dire. Qui t'a dit de redire tout ce qu'on t'a dit. Maintenant redire ce que t'as dit ou ce qu'on t'a fait dire. Qui t'a dit de redire tout ce qu'on t'a dit. Maintenant redire ce que t'as dit.